Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, espionnage à tous les étages. L'officier de la CIA Claire Stenwick et l'agent des services secrets britanniques Ray Koval ont quitté leurs fonctions gouvernementales pour le monde bien plus lucratif des affaires où une véritable guerre froide sévit entre deux multinationales. Leur mission ? Obtenir le premier la formule d'un produit qui rapportera une fortune à son entreprise mère. Tu te souviens de moi ? C'est pas un hasard, hein, qu'on soit ici, qu'on se croise comme ça. Tu t'imagines mener ce genre de vie ? À ton avis, combien il faudrait ? Une vingtaine de millions ? Je dirais plutôt 40. Comment on s'y prend pour trouver 40 millions de dollars ? Je suis chargée de la sûreté industrielle chez Burkett & Handel. Ils préparent un gros coup, un nouveau produit qui va faire du bruit. L'existence même de ce produit doit être protégée avec le plus grand soin. Nom d'un chien, je sens qu'il va me broyer. C'est une véritable lutte à mort entre sociétés. La concurrence sera prête à tout pour mettre la main là-dessus. Devine qui ils veulent nommer responsable sécurité ? Avec toi dans un camp et moi dans l'autre, c'est parfait. Tu veux que je te dise ? Tu trouves l'idée géniale. Il ne nous reste plus qu'à trouver ce produit. Si on est les premiers, notre fortune est faite. Bingo ! Tu essayes de me piéger ? Duplicity avec Clive Owen et Julia Roberts, un DVD Universal.